Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le redlining et son impact énorme sur la ségrégation raciale dans les villes américaines. Why did you select Levittown to live? Pourquoi avez-vous choisi de vivre à Levittown? Nous aimons les maisons ici. Nous aimons les avantages que Levittown semble offrir par rapport à d'autres villes. Et nous avons compris que tout le monde serait blanc. Alors nous sommes très heureux d'acheter une maison ici. Do you think a Negro family moving here will affect the community as a whole? Pensez-vous qu'une famille de Noirs qui déménagerait ici affecterait l'ensemble de la communauté? Absolument. Je pense que la valeur des propriétés va rapidement chuter s'ils sont autorisés à déménager ici en grand nombre. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré d'un documentaire qui date de 1957. Et si ce qu'on vient d'entendre nous paraît aujourd'hui complètement choquant et totalement inacceptable, il faut se rappeler que ce genre de réflexion est pourtant assez largement répandu auprès de la population blanche des États-Unis dans les années 1950. En fait, aujourd'hui encore, l'héritage de ce qu'on appelle le redlining, cette espèce de cartographie de la ségrégation raciale par quartier qui remonte aux années 30, est encore bien présent aux États-Unis. L'autre Amérique, voici le télégramme que nous faisait parvenir notre collaborateur Théo Loire à New York. Entrevue avec Michael Harrington, auteur de L'autre Amérique. Il expose ses vues sur les problèmes raciaux aux États-Unis à la lumière du rapport de la commission nommée par le président ainsi que des événements subséquents. Première question, d'après les conclusions du récent rapport, les États-Unis vont vers deux sociétés différentes et inégales, l'une blanche, l'autre noire. Michael Harrington, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Les Noirs ont des logements, de travail, d'éducation inférieurs, nettement inférieurs à les Blancs. Et dans une société d'affluence, avec les ordinateurs, avec les nouvelles technologies, ça devient plus important chaque jour. Cet extrait de l'émission Présent National du 18 avril 1968 nous rappelle l'important clivage qui existe entre blancs et noirs aux États-Unis dans les années 1960. Clivage, d'ailleurs, qui malheureusement est encore bien présent au pays de l'Oncle Sam. L'un des principaux instruments de ségrégation dans les villes américaines au 20e siècle, ça a été ce qu'on a appelé le redlining. Pour nous en expliquer les tenants et aboutissants, je reçois Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Alors, s'intéresser au phénomène de redlining, Harold Bérubé, c'est s'intéresser à un rouage central dans cette mécanique de ségrégation raciale qui existe dans les villes américaines. De quelle manière cette pratique-là, la pratique du redlining, depuis le début du 20e siècle, nous aide-t-elle à comprendre justement ce qui se passe aujourd'hui encore dans les grandes villes américaines? Oui, le redlining, c'est vraiment important, c'est essentiel de le comprendre. C'est une pratique qui n'a pas été là très longtemps. Là, on met sur pied un peu le redlining dans les années 30 et officiellement, c'est à partir de 1968, c'est plus possible de l'appliquer. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les échos du redlining se font sentir jusqu'à aujourd'hui. C'est un outil de ségrégation donc entre blancs et noirs dans les villes américaines. Et lorsqu'on observe ces villes-là, lorsqu'on observe Chicago, par exemple, on observe aujourd'hui que le degré de ségrégation, la division des espaces qui avait cours dans les années 50 et 60 n'a pratiquement pas bougé. Et même dans certaines villes comme Buffalo, la ségrégation s'est même intensifiée depuis le mouvement des droits civils. Donc, c'est vous montrer à quel point cette pratique-là a laissé un héritage vraiment toxique dans la construction, dans la structuration des villes américaines et dans cette ségrégation entre blancs et noirs là, qui se poursuit présentement là, de manière presque inchangée. Et l'idée, au fond, l'idée est où? On verra, mais la conséquence, c'est qu'on ne veut pas de mélange, en fait. Les blancs ont leur quartier et les Noirs ont leur autre quartier. C'est un peu ça l'idée. Oui, bien c'est ça. Si on veut comprendre ce qu'est le redlining, et ça peut sonner anodin là, quand je le présente comme ça, mais c'est très important, ce sont des cartes. Hein, ce sont des cartes de quartiers de 239 000 américaines sur lesquelles on accorde des couleurs à différents quartiers, à différents sous-secteurs de quartiers. Et là, il y a une gradation entre les quartiers les plus désirables en vert, en bleu un peu moins, en jaune encore un peu moins, et là, en rouge, vraiment des quartiers qu'on considère comme peu fréquentables. Et ce qui arrive, c'est que les banques américaines vont décider à qui on assure une hypothèque, à qui a accès accès à la propriété selon ce code de couleur-là. Donc, les quartiers rouges, les quartiers qui sont redlinés, donc entourés de rouge, sont des quartiers où il va devenir impossible de devenir propriétaire, d'obtenir une hypothèque. Et évidemment, ce sont des quartiers qui sont peuplés essentiellement par des Afro-Américains. Oui, parce qu'il y a des quartiers, c'est vraiment ça, c'est un outil pour les banques. Qui est-ce qu'on finance? Oui. Où est-ce qu'on peut investir sans trop de crainte? D'où les différentes catégories. Ça se développe au cours des années 30 en bonne et due forme, cette espèce de cartographie, cet outil-là dont vont servir beaucoup les banques. Dans un contexte qui est celui du New Deal, le New Deal de Franklin D. Roosevelt, on écoute à ce sujet l'extrait d'une émission justement consacrée au redlining et diffusée au réseau NPR en 2018. It's the 1930s in the wake of the Great Depression. FDR's president, he wants to bring. Dans les années 30, au moment de la Grande Dépression, c'est Franklin Delano Roosevelt qui est le président des États-Unis. Il cherche à soulager économiquement des millions d'Américains grâce à une série de programmes fédéraux et de projets appelés le New Deal. Projects called the New Deal. One part of that New Deal was the National Housing Act of 1934, which introduced. Une partie de cette nouvelle entente a été la loi nationale sur le logement en 1934, qui a mis en place des idées comme l'hypothèque sur 30 ans et les faibles taux d'intérêt fixes. Mais maintenant que les personnes à faible revenu peuvent s'acheter des maisons, comment s'assurer qu'ils pourront s'acquitter de leurs obligations hypothécaires? Avec la Société de prêt des propriétaires d'habitations, la Home Owners Loan Corporation. La société, la HOLC, a créé une cartographie de sécurité résidentielle. Et c'est dans ces cartes que vient le terme « redlining » ou « contour rouge ». The HOLC created residential security maps. And these maps, they're where the term « redlining » comes from. Green meant best area, best people, aka businessmen. Le vert signifiait la meilleure région, avec les meilleures personnes, comme les hommes d'affaires. Le bleu signifiait de bonnes personnes, comme les familles de couleur blanche. Le jaune signifiait une zone en déclin, avec des familles de la classe ouvrière. Et le rouge signifiait danger, comme les personnes nées à l'étranger, les blancs défavorisés et plus important encore, les noirs. Like foreign-born people, low-class whites, and most significantly, Negroes. Again and again on these HOLC maps. Encore et toujours, sur ces cartes HOLC, l'un des critères les plus réguliers des quartiers rouges est la présence de personnes noires. Soyons clairs, les études démontrent que les gens qui vivaient dans ces zones rouges n'étaient pas nécessairement plus susceptibles de ne pas rencontrer les échéanciers de leurs prêts hypothécaires. Mais la red line a rendu difficile, sinon impossible, leur possibilité d'acheter ou d'être refinancé. Ainsi, les propriétaires abandonnaient carrément leur maison et les services de la ville étaient de moins en moins fiables. Dans la plupart de ces endroits, la criminalité augmentait et la valeur des propriétés baissait. So landlords abandon their properties, city services become unreliable, in most places crime increases and property values drop. Donc, on l'entend assez clairement, et particulièrement à la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre, Harold Bérubé, le redlining va avoir d'importants effets pervers auprès des populations qui habitent ces quartiers en zone rouge. Concrètement, quel sera l'impact du redlining, cette espèce, encore une fois, de cartographie socio-économique et par ricochet, cartographie raciale des villes? Oui, l'impact est gigantesque. Il ne faut pas le sous-estimer et il ne faut pas sous-estimer à quel point l'exercice est fait de manière méticuleuse par le gouvernement fédéral et ceux qui préparent donc ces fameuses cartes. J'en ai une sous les yeux, une carte de Brooklyn. On y va vraiment en détail, bloc par bloc. On subdivise certains secteurs et on est très méticuleux dans la constitution de ces cartes-là et dans la lecture là, qu'on fait de la réalité urbaine. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des quartiers qui vont se dégrader. Ça donne des quartiers où il devient de plus en plus difficile, sinon impossible d'avoir accès à un prêt hypothécaire, même si on a d'excellents moyens financiers. Et donc, c'est vraiment une manière là, de s'assurer que la ségrégation, elle va être permanente, elle va être durable. Et en quelque sorte, c'est le droit à la ville qui est bafoué pour les gens qui habitent dans les zones dites rouges, hein, c'est-à-dire que ce sont des zones qui vont être de plus en plus isolées, de moins en moins bien desservies. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens qui habitent ces quartiers-là n'ont pas accès, ne sont pas capables de bouger dans la ville et aller vers les secteurs les plus dynamiques, que ce soit au niveau niveau de l'emploi, que ce soit au niveau des services municipaux. Services municipaux, d'ailleurs, qui vont devenir de moins en moins bons, voire inexistants dans ces quartiers-là. Évidemment aussi au niveau des services de police, par exemple, c'est clair qu'on va favoriser la répression de plus en plus dans ces quartiers-là. Ça devient des quartiers chauds qu'on juge, en fait, où les policiers sont appelés essentiellement pour faire de la répression. L'accès à la propriété, donc, devient plus difficile, plus coûteux. Et évidemment, les institutions de santé, d'éducation supérieure, elles vont fuir comme la peste ces secteurs-là, rendant, encore une fois, l'accès à des bons soins de santé et à une éducation supérieure plus difficile. Donc, les effets, ils sont multiples et ils sont vraiment sur tous les fronts. Ouais. Et c'est vraiment particulièrement pernicieux parce qu'au fond, je vous écoute, puis au fond, à partir du moment où, malheureusement, parce que vous le disiez, quelqu'un peut avoir les moyens de s'acheter une propriété, mais aura de la difficulté à trouver du financement si, malheureusement pour lui, il se retrouve dans un quartier en zone rouge. Puis ce qui est pernicieux, c'est que ces quartiers qu'on dit, que les institutions financières disent défavorisées, à l'époque là, c'est des prêts qui sont trop risqués. Comme on n'y va pas, ben ça fait que les conditions du quartier ne font que s'empirer, en fait. Le tissu social, urbain, tout s'appauvrit dans ces quartiers qu'on juge déjà rouges et trop pauvres pour y investir. En même temps, ça se fait, tout ça, dans le cadre, j'y reviens, de ce grand programme progressiste de Roosevelt, le New Deal. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'au départ, il y avait cette volonté du gouvernement fédéral? On a peine à penser que Roosevelt ait voulu que cette politique ait un tel impact sur les populations de ces quartiers « rouges », entre guillemets. C'est une excellente question. Ce n'est pas un hasard, en ce sens où il y a des gens qui sont derrière la constitution de ces cartes et qui ont des objectifs bien précis et qui sont liés à la question raciale aux États-Unis. C'est clairement pas le but de Roosevelt d'en arriver à ça. Donc, le New Deal de Roosevelt, c'est l'idée de favoriser l'accès à la propriété, de protéger les gens de la classe moyenne. Puis on voit d'ailleurs des initiatives un peu similaires au Canada dans les années 30, mais surtout après la guerre, où on fait un peu le même travail et on essaie de voir à qui est-ce qu'on peut prêter dans les bonnes conditions. Donc, la question raciale, évidemment, au Canada n'est pas là. Et même si on regarde les cartes américaines, donc celles que j'ai sous les yeux, nulle part, on parle d'Afro-Américains, de Blancs, etc. On parle de first grade, second grade, third grade, fourth grade. Donc, on fait disparaître un peu la question raciale derrière cette appellation-là, même si les concepteurs de ces cartes-là savent très bien de quoi ils parlent. Donc, le programme qui met en place a de nobles intentions, mais ceux qui vont élaborer le fonctionnement concret de ce programme-là, eux, ont des intentions tout autres. Et ces gens-là, en fait, ces idéologues, ils avaient déjà commencé le travail, passez-moi l'expression, Harold Bérubé, avant le programme d'accès à la propriété que va proposer le gouvernement Roosevelt. Oui, ben c'est ça. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut reculer un peu dans le temps. On se souvient donc, guerre de sécession, abolition de l'esclavage. Dans les années qui suivent, il y a la période qu'on appelle de reconstruction où le Nord victorieux essaie d'accorder des droits aux Afro-Américains sur le plan civil, sur le plan électoral et surtout sur le plan de l'accès à la propriété. La possibilité de devenir propriétaire est un gage d'accès à la richesse, à la prospérité. Ces acquis-là sont attaqués assez rapidement à la fin du 19e siècle, notamment devant la Cour suprême, et en 1896, là, il y a la fameuse décision Plessy-Ferguson là, qui ouvre la porte aux lois qu'on appelle le Jim Crow, là, qui vont vraiment institutionnaliser la ségrégation aux États-Unis. Et un exemple concret d'une des mesures qui va se rapprocher de ce qu'on va voir avec le redlining, c'est ce qui sera vécu à Baltimore, où il y aura une réglementation vraiment qui va être très, très proche de ce qu'on va faire plus tard avec le redlining. On écoute à ce propos l'auteur du livre Not in My Neighborhood, qui s'intéresse justement aux disparités raciales à Baltimore. Son nom, c'est Antero Pietella. On l'écoute donc dans une entrevue qu'il accorde au Real News Network en 2011. Well, in a very peculiar way, Baltimore became a laboratory. De manière assez particulière, Baltimore est devenu un laboratoire de ségrégation résidentielle. Baltimore, en 1910, a été la première ville américaine qui a promulgué une loi au conseil municipal exigeant que chaque quartier résidentiel soit délimité. Une quarantaine d'autres villes ont ensuite copié cette loi, principalement dans l'ancienne Confédération. Et puis, en 1917, la Cour suprême a dit que cette approche n'était pas la bonne. À partir de ce moment-là, les clauses restrictives sont devenues la norme des propriétaires qui se réunissaient et répétaient qu'il y avait certaines personnes qu'ils ne voulaient pas comme voisins. Ils ont conclu un accord juridiquement contraignant et c'est ainsi que la ségrégation résidentielle a été gérée dans la plupart des villes américaines. And that is how residential segregation was handled in most American cities. Et cet accord contraignant, c'est que vous acceptez de ne pas vendre votre maison à quelqu'un qui n'est pas blanc. That's correct. Exactement. C'était tout à fait intentionnel. Les propriétaires appuyaient ce genre d'accord et après l'avoir signé, l'acheteur suivant devait lui aussi se soumettre à cet engagement. Donc, parlez-nous, Harold Bérubé, de ce cas précis de Baltimore, de ce contexte historique plus large qui va déboucher sur le redlining éventuellement. Oui, donc les partisans de la ségrégation raciale aux États-Unis vont rapidement comprendre qu'un élément essentiel de cette ségrégation-là est sur le plan résidentiel. Si on veut qu'il n'y ait pas de mélange, il ne faut pas que les gens habitent dans des quartiers, dans des districts mixtes. Donc, la ville de Baltimore, en 1910, est la première à vraiment mettre de l'avant une réglementation qui est la Baltimore Segregation Ordinance, qui va vraiment, de manière très détaillée, séparer chaque rue de la ville en blocs blancs et en blocs noirs, selon la couleur de la peau de la majorité des habitants. Et on impose là, des punitions quand même assez importantes, des amendes, du temps de prison pour les gens qui déménageraient dans un bloc de la mauvaise couleur. D'ailleurs, de manière un peu terrible, l'exception qu'on prévoit, c'est pour les serviteurs noirs de maîtres blancs qui peuvent habiter donc dans les quartiers blancs. Le règlement est significatif parce qu'effectivement, il est repris là, dans vraiment beaucoup de villes à travers les États-Unis. Et de manière justement assez inattendue, une cour suprême qui, il faut le dire, à l'époque, là, est dominée par des suprémacistes blancs, va quand même la déclarer inconstitutionnelle en 1917, notamment à cause de l'excellent travail qui est fait sur le plan judiciaire par les avocats des organismes de défense des droits là, des Afro-Américains, le NAACP notamment. Et par la suite, les ségrégationnistes sont un peu embêtés parce que donc, ils viennent de perdre cet outil-là. On va se tourner pendant un temps tout simplement vers la violence et l'intimidation. Et les gens qui déménagent dans le mauvais secteur, ben, on va les tabasser, on va brûler leur maison, etc. Mais tout ça mène à des émeutes, notamment les émeutes de Chicago en 1919. Et là, on va chercher d'autres stratégies, d'autres manières de reprendre donc, cette ségrégation de l'espace. Donc, après les émeutes, justement, de Chicago, notamment, il y a plusieurs acteurs, là, notamment dans le monde de l'immobilier, qui vont voir qu'on a besoin d'autres outils pour établir et maintenir la ségrégation. Et de manière un peu contre-intuitive, ce sont des courtiers immobiliers qui vont être en bonne partie responsables de la mise sur pied de certains de ces outils-là, des courtiers immobiliers ainsi qu'un économiste là, de l'Université Northwestern, notamment les restrictive covenants dont on a parlé dans l'extrait, là, c'est-à-dire ces accords qui empêchent les gens de vendre leur maison à quelqu'un de la mauvaise couleur, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque, dans les années 30, le gouvernement fédéral décide donc de mettre de l'avant là, son fameux programme, bien, c'est vers ces gens-là qui se tournent. Donc, ces gens-là ont déjà, si vous voulez, pratiqué la ségrégation raciale à travers un certain nombre de stratégies immobilières. Et lorsqu'on leur demande de préparer les cartes, les politiques et tout ça, ils vont tout simplement reproduire donc cette volonté de ségrégation raciale sous le couvert, justement, là, de prêts hypothécaires. Avec l'impact qu'on a déjà un peu décrit, mais impact vraiment catastrophique pour les gens qui habitent ces quartiers qui, malheureusement, auront un contour dessiné en rouge. Comment ils vont réagir? Est-ce qu'il y aura un mouvement citoyen pour s'opposer à cette politique de redlining? Ah oui, absolument. Donc, dans les années 50 et 60, là, quand le mouvement pour les droits civils prend son envol, il va se déployer sur plusieurs fronts, mais un des fronts très importants de ce combat-là, c'est la ségrégation résidentielle. Donc, il y a de nombreuses familles afro-américaines qui vont tout simplement défier le redlining en s'installant dans des quartiers où ils ne devraient pas s'installer. Ils vont quand même trouver le moyen d'avoir un prêt hypothécaire, mais généralement dans des conditions vraiment très difficiles par rapport aux ménages blancs. Et sur place, ils vont affronter la violence qui s'ensuit, qui est très importante. Là, vraiment, encore là, des maisons brûlées, des gens qui se font attaquer, des fameuses croix qui brûlent, etc. Il va y avoir également des actions sur le plan du droit. Le fameux militant et avocat afro-américain, là, Thurgood Marshall, est un de ceux qui va exposer devant les tribunaux là, les fameux manuels utilisés par le Federal Housing Administration et les cartes dont je vous parlais. Donc, il va vraiment les faire connaître et va lancer un combat là, contre cette forme de ségrégation qui se prolonge là, durant les années 50 et 60. Et c'est vraiment à partir donc, de la fin des années 60 avec le Civil Rights Act qu'on va rendre illégale donc la pratique du redlining. Entre-temps, il faut le dire, il y a différents États américains qui vont adopter des lois qui s'attaquent à cette discrimination-là et il y a même des propriétaires blancs de maisons en banlieue qui vont se mobiliser pour favoriser l'arrivée là, de familles noires dans leur quartier. Évidemment, tout ça va quand même provoquer des réactions assez violentes de propriétaires et de militants racistes qui ne veulent pas de la présence donc, d'Afro-Américains dans leur quartier. Plus encore, là, dans les années 70, 66 en 76 et 77, parce qu'il faut souligner que même si en 68, le redlining devient illégal, les banques continuent à utiliser quand même les cartes et les manuels et ignorent justement la loi. Et en 76-77, le gouvernement fédéral les force à faire preuve de transparence pour expliquer pourquoi on refuse une hypothèque. Et là, les banques vont commencer à manquer d'endroits où se cacher pour pratiquer le redlining. Ouais. Et là, on va voir un déclin de cette pratique-là. Bon, ce qui est assez incroyable, c'est de voir la durée sur laquelle ça va se poursuivre, cette pratique-là discriminatoire du redlining. Vous nous disiez un instant, donc jusqu'à quoi? Dans les années 60, c'est légal. Comment expliquer que ce soit toléré si longtemps? Puis je pense, au fond, aux politiciens. Quel genre de position, de discours, au fil du temps, vont adopter les politiciens pour, peut-être pas soutenir ouvertement, mais en tout cas, tolérer ces politiques discriminatoires? Oui, ben si on veut expliquer la persistance, c'est vraiment le fait que même après la loi de 68, hein, on continue à pratiquer d'une manière ou d'une autre le redlining. Et il faut dire aussi que les effets du redlining se sont tellement enracinés profondément que même l'abolir en soi donc ne change rien. Et comme vous le suggérez, il y a des politiciens qui vont continuer à soutenir d'une autre manière le redlining, c'est-à-dire que dans les années 70, les militants ségrégationnistes vont tout simplement changer leur discours, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va adopter un discours de droit de défense, de défense des droits donc des propriétaires qui ont le droit de choisir leurs voisins, qui auraient le droit de choisir leur communauté, on s'entend une communauté blanche, et qui auraient le droit donc de protéger leur investissement face aux interférences de l'État. Donc c'est vraiment les présidents républicains Nixon et Reagan qui vont être particulièrement sympathiques à ces discours, et on parle plus de race, on va parler de la défense de la classe moyenne suburbaine, mais on s'entend que tout le monde comprend à l'époque qu'on défend une banlieue blanche et une classe moyenne blanche. Ouais. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des effets mesurables de cette pratique-là, la pratique du redlining? Oui, ben écoutez, le fameux discours dont je vous parle, hein, le président Trump lui-même y a fait référence lors de la campagne là, à l'automne 2020 en appelant les suburban housewives à la rescousse et en critiquant ceux qui veulent s'attaquer au mode de vie suburbain, encore une fois entendu à travers cette homogénéité raciale très grande. Et il faut le dire plus largement, donc les différences entre quartiers se font encore sentir de manière extrêmement élevée, c'est-à-dire que lorsqu'on prend les cartes du redlining et qu'on les superpose sur les villes actuellement, dans 90% des cas, on a encore affaire à des quartiers dégradés, à des quartiers où l'accès à la propriété demeure très difficile. Ça explique encore aussi, évidemment, les importantes disparités en termes de niveau de richesse entre Afro-Américains et Blancs. La propriété est une clé d'accès importante à l'enrichissement. Des différences sur le plan de la santé, de l'éducation, de la violence policière. Donc, ces quartiers-là sont encore frappés de toutes sortes de maux. Et les quelques endroits où on a pu observer un changement, là, c'est peut-être les quelques quartiers où la gentrification a pu contribuer là, à rehausser un peu le niveau dans ces quartiers-là. Mais souvent, c'est une gentrification qui se fait évidemment aux dépens des habitants originaux, donc afro-américains, de ces secteurs. Et sur le plan même de l'urbanisme, est-ce que la façon dont les quartiers urbanistiquement se sont développés, est-ce qu'il y a eu un impact? Ah oui, absolument. Si on va se promener dans les quartiers dits rouges, encore aujourd'hui, là, vous avez toutes les chances d'avoir des quartiers justement en très mauvais état au niveau du cadre bâti, au niveau de la chaussée, des infrastructures municipales. Ce sont encore les quartiers les plus pauvres de leur ville. C'est vraiment là, un effet tout à fait durable donc du redlining. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, c'est toujours un bonheur de vous entendre à cette émission. Merci beaucoup, Harold. De rien, ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.